Seigneur, descends et viens. Remplis nos vies. Remplis ce lieu. Remplis nos cœurs de ta présence. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous. Viens Esprit de révélation, souffle sur nous témoignant de